بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لون جاء الله سبحانه وتعالى de nous avoir comblés de ces assises pour se conseiller mutuellement la vérité et la patience, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous augmente de ses bienfaits. Et je vous rappelle ce qu'il dit dans Sourate Al-Asr, cette noble sourate qui contient beaucoup de leçons. Wal-Asr, إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. La traduction approximative du sens de cette sourate nous dit: par le temps, l'être humain, l'espèce humaine est en perdition, sauf ceux qui ont cru, fait bonne œuvre et se sont conseillés mutuellement la vérité et l'endurance. Cheikh Nasser Dil Albani rahmatullah alayhi dit que le fruit de l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la mise en application de cette sourate. C'est-à-dire, quand on aime quelqu'un pour Allah, on doit blâmer les mauvais actes qu'il fait et attirer son intention dessus, comme on doit l'orienter vers la vérité et lui conseiller la vérité. Et ceci doit être un acte mutuel entre ceux qui s'aiment en Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est le fruit de l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce que contient cette sourate. Le fait de se conseiller mutuellement la vérité, l'endurance et la patience. Et plus haut que tout ça, la parole du messager alayhi salatu wassalam: quelqu'un parmi vous n'aura pas, quiconque parmi vous n'aura la foi complète que s'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. En nous aimant pour nous-mêmes, la compréhension de la religion, nous aimons pour nous-mêmes le fait d'acquérir la compréhension de la religion qu'avaient les nobles compagnons d'Allah alayhim. On aime pour soi, la maîtrise de la langue arabe, la compréhension de l'aqida, comme l'ont comprise les nobles compagnons d'Allah alayhim, avoir les comportements et suivre la trace et la voie des nobles compagnons d'Allah alayhim, tout ça on l'aime pour nous et on l'aime aussi pour nos frères et nos sœurs. D'où cette nouvelle série qui porte sur la langue arabe. Et dont le titre est tout simplement « La langue arabe est la clé de l'apprentissage de la religion ». Car on ne peut pas accéder à la noblesse de la science de la religion sans cet outil qui est l'arabe. Ta'alibi, rahimahullah, dans son livre « Fiqh al-Lugha », à la page 29, il a dit, écoute bien ce qu'il a dit: celui qui aime Allah aime son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui aime le messager sallallahu alayhi wa sallam, celui qui aime le messager sallallahu alayhi wa sallam, ce messager arabe, aimera les arabes. Et celui qui aime les arabes aimera la langue arabe, avec laquelle est descendu le meilleur livre pour les arabes et pour les non-arabes. Fin de citation. Mahmoud Shakir rahimahullah, dans son livre intitulé « Abatil wa Asmar », a dit: le sens de la filiation à la voix du salaf implique que le salafi doit maîtriser la langue arabe et sa littérature de façon à pouvoir puiser dans le Coran et la Sunna directement selon la même voie que salaf qui prenait du Coran et de la Sunna leur littérature, leur science, leur comportement, leur culture, leur jurisprudence, leur pensée et tout ce qui permet à l'être d'être vif actif, bien éveillé, capable de construire une civilisation. Fin de citation. Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous comble avec la science bénéfique. Il nous facilite les bonnes œuvres. Que le but de ce sujet, c'est d'attirer l'attention sur l'importance de la connaissance de la langue du Coran, cette noble langue qui est la langue arabe, et de montrer l'honneur que celle-ci a par rapport aux autres langues, de par ses particularités et ses fondements. De par ses particularités et ses fondements importants dont la masse a besoin, et plus encore, ceux qui ont besoin, ceux qui cherchent la science, ceux qui veulent être à l'aise dans leur religion. La langue arabe, c'est la langue du Coran. C'est avec la langue arabe qu'il est descendu sur le dernier messager, alayhi salatu wassalam. Le fait de s'occuper de la langue arabe, c'est une voie et un moyen pour s'occuper du livre d'Allah et de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Le fait d'étudier la langue arabe et de s'entraîner à son apprentissage et à sa compréhension, c'est une aide pour comprendre le livre d'Allah et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et la voie et l'héritage des pieux prédécesseurs radhiyallahu alayhim. L'arabe est la langue de notre noble et pure législation. Et quand on insiste et on oriente nos frères et nos sœurs à faire des efforts et à donner le temps à l'apprentissage de l'arabe, notre motif n'est ni le sectarisme aveugle, ni le nationalisme aveugle. Notre motif, c'est pour que nos frères et nos sœurs apprennent et donnent l'importance et se sacrifient pour l'apprentissage de la langue de la dernière révélation, cette langue qui ne permettra à savourer l'héritage que nos pieux prédécesseurs nous ont légué, que ce soit dans le domaine de l'explication du Coran, ou dans le domaine de l'explication de la Sunna, ou dans le domaine de la Aqida, ou dans le domaine du Fiqh, ou dans le domaine de l'histoire, etc. Malheureusement, on remarque chez beaucoup le manque de la maîtrise des fondements de la religion à cause de la non-maîtrise de la langue arabe et aussi à cause du dénigrement de celle-ci par l'Occident et à cause de ce défaut de supériorité des autres langues que la culture occidentale a ancré dans l'esprit de beaucoup, même dans le monde musulman. D'où cette lacune au niveau de la langue arabe. La langue arabe a été combattue et elle est toujours combattue. Il n'y a qu'à voir l'acharnement qui est fait en France pour la fermeture des écoles de l'apprentissage de l'arabe, du Coran et de la religion. Les exemples sont nombreux devant vous. Les ennemis d'Allah savent très bien que pour maîtriser les sciences de la religion, le musulman a besoin de la maîtrise de la langue arabe. Malheureusement, certains incapables parmi nos frères et sœurs, quand ils voient quelqu'un qui a l'envie de l'apprendre, au lieu de l'encourager et de le motiver, ils le détournent, prétextant que la langue arabe est difficile, sa grammaire est compliquée, ou encore, tu vois les frères, profitent en nous faisant payer les cours. Ou alors, c'est trop cher, Wallahu al-musta'an. Comment le moyen qui va t'amener à comprendre comment il se doit ta religion, et à lire correctement la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à comprendre les paroles des hommes de science et à les lire, peut-il être cher? Par Allah, des fois, on entend des énormités de personnes qui ont les moyens pour se payer de longues études d'arabe. Mais Shaitan les détourne par des prétextes qui sont du domaine de la toile d'araignée pour celui qui veut s'abriter de la canicule du soleil. On se doit si on a les moyens de prendre un prof pour apprendre cette noble langue, et il doit chercher les profs compétents avec une aqida authentique et qui ont le bagage essentiel ainsi que la méthodologie correcte pour nous enseigner cette noble langue. Et on doit sacrifier le temps et l'argent pour cela. Et il y a parmi nos frères qui ont vécu de longues années d'apprentissage en Égypte et ailleurs, et ils ont été éprouvés, et ils ont sacrifié du temps et de l'argent pour cela. Et ils ont quitté les pays de mécréance pour vivre dans des pays de l'islam, et qui sont compétents. Ceux-là, il faut les aider, il faut les encourager et apprendre avec eux. Et il faut faire très attention à certains qui ont à peine maîtrisé un niveau ou deux niveaux de la langue arabe et qui se lancent dans l'enseignement. Ceux-là, il faut les fuir, il faut les éviter. Il ne faut pas les aider à s'envoyer dans la gueule du loup. Et ce n'est pas un bien d'apprendre avec eux. On leur rend pas service. On les enfonce et on les induit en erreur et ils deviennent imbus d'eux-mêmes. Et les exemples sont nombreux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Frères en Allah subhanahu wa ta'ala et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez que la langue arabe, comme vous le savez déjà, la langue arabe est une des langues sémites connues depuis l'aube du temps. L'arabe était la langue du peuple de Ad et du peuple de Thamoud et du peuple de Jadis et du peuple de Jorhum. La langue arabe était propagée au Yémen, en Irak. L'arabe est arrivé à son âge d'or et au sommet au moment où il s'est installé au Hijaz, qui est une immense région qui englobe la Mecque, Médine, Taïf, Yanbou et d'autres régions. Allah Azza wa Jal a voulu pour cette noble langue le sommet. Et il l'a honoré, subhanahu wa ta'ala, en la faisant la langue de l'islam et la langue de la dernière révélation. Cheikh l'islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, a dit dans son livre, Qtida Sirat Mustaqim, la langue arabe fait partie de la religion. Sa connaissance est une obligation individuelle, c'est-à-dire qu'elle est obligatoire pour chaque individu, car la compréhension du livre et de la sunna est une obligation, et on ne peut les comprendre qu'avec la langue arabe. Et le moyen qui mène vers une obligation devient une obligation lui-même. Fin de citation des paroles de Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh. Donc, la connaissance de la langue arabe est une nécessité pour tout musulman et pour toute musulmane, pour qu'il puisse accomplir correctement les actes d'adoration et qu'il puisse maîtriser la lecture de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le Coran, qui est descendu avec cette noble langue. Qala azza wa jal, inna anzalnahu Qur'anan arabiyan la'allakum ta'qilun. La traduction approximative du sens du verset dans Sourate Yusuf, verset 2, nous avons révélé ce Coran en langue arabe afin que vous le compreniez. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا. Dans Sourate la Concertation, verset 7, la traduction approximative du sens du verset nous dit cela: ainsi nous t'avons révéler ce Coran en langue arabe. Wa qala ta'ala wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhu al-amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bi lisan arabi mubin. Dans Sourate les Poètes, du verset 192 au verset 195, la traduction approximative de ces versets nous dit cela: le Coran est une révélation émanant du Seigneur de l'univers, descendu du ciel par l'Esprit fidèle, c'est-à-dire Jibril, qui te l'a récité et que tu as retenu en ton cœur pour que tu sois du nombre des avertisseurs en langue arabe claire. وقال سبحانه وتعالى كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. Donc, dans Sourate, les versets détaillés, verset 3, il est dit, un livre, c'est-à-dire le Coran, dont les versets sont détaillés, un Coran en langue claire, destiné à ceux qui savent. Frères en Allah subhanahu wa ta'ala et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on médite cette place qu'Allah azza wa jal a donnée à la langue arabe. Il a révélé le Coran, sa parole en langue arabe, la dernière révélation. Cela prouve la noblesse de cette langue. Il l'a descendu sur le plus noble des messagers, alayhi salatu wassalam, Muhammad, par l'intermédiaire du plus noble des anges, Jibril, alayhi salatu wassalam, dans le plus noble lieu sur terre, la Mecque, et sa révélation débuta lors du plus noble des mois de l'année, Ramadan, qui est le seul mois cité par son nom dans le Coran. Ce Coran est parfait de tous les points de vue. Il en est de même de la langue arabe avec laquelle il a été révélé. Vu la place de la langue arabe, Allah s'est chargé lui-même de sa protection, car c'est lui qui s'est chargé de la protection de son livre, révélé en langue arabe. قال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Surat al-Hijr, verset 9, la traduction approximative du sens du verset nous dit cela, c'est nous qui avons révélé le livre et c'est nous qui le préserverons. Ce livre qui est le Coran, il est préservé. Il en est de même pour la langue qui le véhicule, qui est la langue arabe. Il est préservé par Allah, Azza wa Jal. Et ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a préservé, personne ne peut l'altérer, ni le tuer. Aujourd'hui, sur la planète, le nombre des musulmans qui ont une liaison avec la langue arabe, de par leur religion, de par la parole d'Allah, le Coran, hein, de par la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, le nombre de ces musulmans qui ont une liaison avec la langue arabe avoisine les 2 milliards. On ne dit pas qu'ils la parlent tous. Nous avons entendu et lu dans certains récits de l'Occident le nombre d'Européens qui sont rentrés dans l'islam en écoutant tout simplement des versets du livre d'Allah. Ils ont été envoûtés par la beauté de la prononciation des mots du Coran sans connaître l'arabe et sans comprendre ce qu'ils avaient entendu. Et cela a fait que les ennemis d'Allah ont comploté contre cette langue et contre la religion véhiculée par cette langue, par tous les moyens. Et parmi les complots, je citerai ceci. Premièrement, ils ont mis tous les moyens possibles et imaginaires pour propager les langues étrangères dans les pays de l'islam par la colonisation et par les missions qu'ils ont installées dans les anciennes colonies une fois qu'ils les ont quittées. Deuxièmement, ils ont tout mis en œuvre pour que les différentes sciences, médecine, technologie et autres soient enseignées par leur langue. Troisièmement, ils ont tout mis en œuvre pour faire revivre les dialectes et les langues mortes telles le berbère, et etc. Au point que dans certaines universités de France, dans la section arabe, on propose différents dialectes marocains, libanais, algériens, etc. Tout cela pour combattre la langue du Coran qui est une soudure entre les différents peuples de l'islam. Et combien même dans l'enseignement de l'arabe littéraire dans ces universités en Occident, on y utilise des coptes, des libanais ou des druzes et autres pour éjecter leur venin contre l'islam et les musulmans. Écoutez, et je vous conseille d'écouter comment, hein, on agit à tuer On a agi au deuxième siècle à tuer la langue arabe. Écoutez une conférence sur YouTube d'un universitaire qui clarifie sur comment les Français ont détruit la langue arabe au Mali. Je vous cite cet universitaire dit au 1200, il y avait un empire du Mali fondé par Sujata Keïta. L'empire du Mali avait un état fédéral avec un parlement. Mais il faut comprendre ici que le parlement, c'est un conseil de concertation, pas le parlement tel qu'il est connu en Occident. Donc il avait un état fédéral avec un conseil de concertation qu'il a appelé parlement. Et il dit, vous imaginez un parlement alors qu'en Europe, on va attendre 6 siècles, 7 siècles après pour arriver à cette chose-là, c'est-à-dire pour arriver à avoir des parlements. Et il dit de l'Empire du Mali, il était très organisé, avec une armée, avec un système d'enseignement, avec un trésor public. Ils organisent et cet État organise l'extraction et la vente de l'or. Et il développait l'agriculture du coton, de l'arachide et autres. Et il y avait des centres universitaires extrêmement célèbres à Tombouctou, à Djenet ou à Ségou. Et un des successeurs de Keïta, Abou Bakr II, 2 siècles avant Christophe Colomb, a lancé 2 expéditions maritimes pour découvrir l'Amérique. Et il dit, pour des gens qui ne sont jamais rentrés dans l'histoire, ce n'est pas mal. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait toute une économie en Afrique. Il dit, en fait, ce qui avait d'intéressant, c'est qu'il y avait toute une économie en Afrique et au Mali. Il y avait une économie avec un commerce de caravanes qui remontait de la Gambie de l'Ouest de l'Afrique jusqu'à la Méditerranée. C'était effectivement contrôlé, organisé par les Touaregs. Les Touaregs, ce sont ceux qui habitaient le désert. C'était un commerce prospère. Et quand le colonisateur français est arrivé là, intéressé par les matières premières, qu'est-ce qu'il a fait? Il a totalement disloqué et brisé ce commerce pour gérer le commerce et l'économie. Et il a importé des Libanais et des Grecs. Et ensuite, cette grande démocratie française, qu'est-ce qu'il a fait? Il a assassiné des milliers de professeurs de langue arabe. Il a assassiné des milliers de professeurs de langue arabe. Pourquoi? Parce que ce commerce entre toutes ces régions et tous ces pays, et quand vous faites du commerce, il dit, vous avez besoin d'une langue que tout le monde comprend. Aujourd'hui, il dit, c'est l'anglais. Mais à cette époque, et dans cette région, c'était l'arabe. Donc, si on voulait détruire ce commerce, que tout soit pour l'exportation vers la France, on a massacré des milliers de professeurs d'arabe à l'époque. Et qu'on relise dans l'histoire de la colonie algérienne, marocaine, tunisienne et autres, on voit comment l'arabe a été combattu. Et nous avons le résultat dramatique devant nous, au point où des partis s'en est pour demander la revivification des langues berbères et de traiter la langue arabe de langue de colonisateur. Et il y a eu la création des dictionnaires des langues berbères par certains colons et certains ermites. Tout cela pour éloigner les peuples de la langue qui les unit et les met en rapport avec la parole d'Allah et la sunna de son messager, alayhi salam. Mais la langue arabe est une langue vivante, est une langue que Allah subhanahu wa ta'ala a protégée, et il protège subhanahu wa ta'ala. Et tous ceux qui se penchent sur l'étude de la langue arabe reconnaissent la richesse et la facilité de cette langue. Alors que c'est la langue de tous musulmans. Mais il y a eu alors que c'est la langue de tout musulman, mais il y a eu beaucoup de non-musulmans qui ont été envoûtés par cette langue, au point que les pères de l'Église, en Espagne, en Égypte, ont à une certaine période de l'histoire traduit leurs sermons en arabe et traduit les évangiles du latin à l'arabe quand ils ont vu comment les chrétiens aimaient et apprenaient l'arabe. L'arabe était la langue dominante en Espagne jusqu'au 1016 de l'Hégire, c'est-à-dire au 1607 chrétienne. Jusqu'à cette époque-là, la langue arabe était dominante en Espagne. Méditez comment ils étaient jaloux, ces hommes de l'Église, pour la fausse religion sur laquelle ils sont, et comment ils ont prodigué des efforts pour garder leurs disciples, alors qu'ils sont conscients qu'ils sont sur le faux. L'orientaliste Rindar Dozé, dans son livre « L'Islam Andalou », dans lequel il a été quelque part équitable avec les musulmans d'Andalousie, il dit dans son livre, les intellectuels et les gens qui ont du goût parmi les chrétiens ont été envoûtés par la littérature arabe, au point qu'ils ont négligé le latin et écrivent uniquement avec la langue de leur dominateur. Hein? Et regardez maintenant, notre jeunesse a besoin de Coran traduit en français, en anglais, hein, de livres de Aqida, alors que ça doit être le contraire. On doit se penser sur ces livres avec la langue d'origine de ces matières. Et dans le livre Wafa'ul Lugha al-Arabiyya bi Hajat al-Asr, c'est-à-dire, c'est un livre dont le titre c'est, il montre comment la langue arabe englobe tous les besoins du monde moderne, au niveau des termes, de la création des termes, etc. L'auteur de ce livre rapporte qu'un des hommes de l'Église a dit « C'est un grand regret de voir les générations montantes parmi les chrétiens et surtout parmi les intelligents parmi eux ne perfectionnaient que la littérature et la langue arabe. Ils dévorent les livres arabes et on achète peu importe le prix. » Fin de citation. Méditez comment ils se lamentent pour la perte de l'élite. Où sommes-nous de la perte de beaucoup de nos jeunes envoûtés par l'Occident et par ses langues et envoûtés par ses délires et sa grande débauche? Alors qu'Allah nous a comblés de la religion de vérité, la seule acceptée par Allah. Et comparer la réaction de cet homme de l'Église à la stupidité d'un imam tablir au nord de la France, un jeune lui dit « Je veux apprendre l'arabe ». Il lui répond « Ça te suffit de sortir sur le sentier d'Allah et on t'apprendra ce que tu as besoin de la religion ». Regardez cette barrière qu'on lui met sur la route. Et j'ai posé la question à un jeune français qui était enturbané à la façon des cheikhs tablir. Je lui ai dit, pourquoi tu n'apprends pas l'arabe? Pourquoi tu n'as pas appris l'arabe depuis tout ce temps que tu t'es converti? Il m'a répondu, Abu Jahl est arabe et il ira en enfer. Regardez comment de l'intérieur on fait des barrages à cette langue. Wallahu al-musta'an. La langue arabe, c'est la langue de la religion, c'est la langue de la science, c'est la langue de la vie, c'est la langue de la civilisation. L'arabe est très vaste pour toutes les nouvelles créations et il est au-dessus de toutes ces langues qui existent à ce niveau. C'est pour ça qu'on trouve beaucoup de communautés qui ne sont pas d'origine arabe et qui maîtrisent la langue arabe et qui la parlent, comme certains Sénégalais, comme en Somalie, comme au Nigeria, au Kenya, à Djibouti, et combien de nos frères en islam d'Afrique. viennent en Égypte, en Mauritanie, pour acquérir la langue du Coran. J'étais étonné lors de mon voyage en 79 en Égypte de voir le nombre d'Asiatiques qui fréquentaient les instituts de l'Azhar pour apprendre la langue arabe. Et le nombre d'Africains aussi. Qu'on se rappelle, comme il est dit dans Sihah d'Al Jawhari, qu'on se rappelle que la langue arabe, c'est cette langue éternelle qu'Allah a honoré et élevé très haut. Et il a lié la science, la religion, la science de la religion et du mondain à cette langue, comme cela est rapporté dans Sihah al-Jawhari. C'est la langue du Coran qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال عز وجل واصف القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Dans sourate, le verset détaillé, verset 42, il est dit dans ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une description du Coran. Il dit: le faux ne l'atteint d'aucune part. Il est une révélation émanant d'un sage digne de louange. Les versets détaillés, verset 42. Le Coran, c'est la plus noble des paroles. C'est pour ça qu'il est très difficile de citer toutes les particularités qu'Allah Azza wa Jalla a données à cette noble langue. Ibn al-Faris, dans son livre Sahabi fi fiqh al-lugha, a dit: les Arabes, dans leur période pré-islamique, étaient sur l'héritage de leurs aïeux, dans leur langue, leur littérature, leurs rites, leurs sacrifices. Mais quand Allah les a fait rentrer dans l'islam, les situations ont complètement changé. Les religions ont été abrogées, anéanties, des choses ont été annulées dans la langue. Et il y a eu le changement de certaines expressions d'un sens à un autre sens. Et il y a eu des choses qui ont enrichi la langue arabe. Et il y a eu des lois qui ont été légiférées et des conditions qui ont été instaurées. Fin de citation. Donc, la dernière a effacé le premier. Et il continue, il dit: Le dernier, c'est-à-dire tous ces changements qu'il y a eu avec la langue arabe et avec l'islam, avec la rentrée des Arabes de la période pré-islamique en islam, il a dit: le dernier a effacé le premier et les gens ont délaissé les aventures, le brigandage, la recherche des biens, des bénéfices. Ils ont délaissé le voyage de l'été, le voyage de l'hiver. Ils ont délaissé la chasse, les jeux de hasard, les soirées d'alcool pour la lecture du noble livre qui est décrit ainsi: قال عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Traduction approximative du sens du verset: le faux ne l'atteint pas d'aucune part. Il est une révélation émanant d'un sage digne de louange. Et aussi il dit, et aussi pour la compréhension de la religion et pour la mémorisation des sunan du messager d'Allah, c'est-à-dire ils ont délaissé tout leur passé, tout ce qu'ils ont fait auparavant, qu'ils connaissaient auparavant, ils l'ont délaissé pour tout ce qui vient d'être cité, et aussi pour la compréhension de la religion et pour la mémorisation des sunan du messager d'Allah, tout en faisant des efforts dans le combat contre les ennemis d'Allah. Et il dit les voies sur lesquelles étaient leurs parents et dans laquelle ils ont grandi, ont disparu, anéanti, comme s'ils n'existaient plus, comme s'ils n'ont jamais existé, au point où ils ont eu des paroles sur des points, c'est-à-dire après que ils ont été éduqués par le messager, par la religion d'Allah, etc., ils ont eu des points subtils, dans le fiqh, et des positions et des points minutieux sur l'héritage, sur la science de l'héritage, et autres parmi les sciences de la législation et l'explication de la révélation, et qui ont été préservés jusqu'à maintenant. Fin de citation. Regardez ce changement qu'a fait la religion pour ces Arabes de la période pré-islamique. Comment il les a changés des ténèbres vers la lumière. Comment il les a changés de brigands sauvages vers une vie de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Une vie de suivi au messager sallallahu alayhi wa sallam et vers une vie de science et de culture. Dans l'origine, la parole d'Allah, l'authentique de la sunna du messager alayhi salam. D'où l'importance qu'on doit donner, une grande importance à cette langue. Et on doit sacrifier tout ce que nous pouvons pour l'acquérir, la maîtriser comme il se doit, pour être à l'aise devant la parole d'Allah et au moment de la lecture de la parole d'Allah qui est le Coran. Et pour être apaisé en écoutant Cheikh Al-Fawzan ou Cheikh Al-Albani ou Cheikh Rabi ou d'autres, pour mieux les comprendre, pour ne pas être tout le temps perturbé et dépendre de traducteurs. On cède avec la traduction, mais il faut qu'on s'acharne et qu'on fasse des efforts et qu'on sacrifie et qu'on se sacrifie pour l'apprentissage de cette langue. Et tout est facile quand on a une ferme résolution et quand on se base, on s'oriente vers Allah subhanahu wa ta'ala et que on veut apprendre cette langue pour maîtriser la religion d'Allah et pour mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala et avoir la sincérité dans son apprentissage pour sortir de l'ignorance et sortir ceux qui sont notre responsabilité de l'ignorance aussi. Et on ne doit pas oublier une arme fatale et un moyen très fort qui est du'a et qui est le fait de se réveiller vers la fin de la nuit et de se montrer brisé devant Allah subhanahu wa ta'ala et montrer sa faiblesse à Allah subhanahu wa ta'ala et insister dans du'a pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite l'apprentissage de la langue arabe, l'apprentissage du Qur'an, l'apprentissage de la sunna, la compréhension de cette religion et qu'il nous comble de sa science. Parce que sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, on n'arrivera nulle part. Face à Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, bi asma'il husna, wa sifati al-ula, j'anna wa iyaakum min al-ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, innahu wa liyudhalika wa al-qadiru alayhi, wa subhanak Allahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa salli Allahumma wa sallim wa barik, على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا